Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Eh bien, bonsoir amis auditeurs de Radio Méditerranée Var, amis confinés. J'espère que ça se passe bien pour vous quand même. Aujourd'hui, on va faire un numéro un petit peu spécial. On va pas taper du pied. Je profite qu'on soit en confinement pour faire des sessions qui conviennent à ce moment-là et que je ne souhaite pas faire en temps normal parce que je veux mettre plus d'ambiance que ça. Mais là, pour ceux qui restent à la maison, qui veulent s'ouvrir une petite bouteille qui va bien à deux, qui veulent se caler devant un coucher de soleil ou quoi, on se fait un 17h-20h avec du chill out, du super lounge, du super vocal, enfin ce que je fais d'habitude dans certains établissements, quand par exemple ma fille chante ou autre, des morceaux qui conviennent bien, qui sont bien chantés et autres. Mais je vous laisse tout de suite avec ce programme, donc vous êtes sur le son de l'underground quand même, vous êtes avec Fred Cominatia, c'est parti, super chill out. You don't feel, you don't feel, you don't heal enough. Yeah, shit is real. These demons wanna eat you.

justice without peace, and there can be no peace without justice. Baby, are you home alone? I need to know if we're still on. I know we've been hurting lately. You see, you came in like a thunderstorm. Electric shivers shooting through my bones. You make my heart stop beating in my chest. Baby, hold tight. Baby, I just wanna know, am I still the one you're thinking of? Cause you kept me anticipating. Just tell me what you need, Dave, and baby, that's what I'll do. You make my heart start beating in my chest, baby, hold tight. You make my heart start beating in my chest, baby, hold tight. Hey, you're so ghost in my bed, place you once rest. Again, I'll keep my focus, I'll keep my mind. I'm holding. holding back the wire. I won't show when I'm tired, and I will stay here one more night. Or one day when I'm free, tell them I could have been. Oh, in another life. Oh, in another life. Your love.

up against this wall. Clap hands. You said a roar, roar, the thunder. care no more. Moon in the window and a bird on the pole. Always find a millionaire to shovel all your coal. Seem to wind up in a hole, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap hands, clap hands, clap hands, clap in your wake, I'm with you.

By the winds in this desolate place, I'm driving against the ice that whips across my face. When all of the howling screams say, get my way, let me know that things will be better one day. Will paradise lost, paradise never was. Alone on this land of forgotten souls, how can it have possibly come to this? The struggle to survive, winter's frozen kiss. Oh, things have got to change. Well, I said things have got to change. Make a change. Won't you help me make a change? We'll be right back.

stressing about the bad shit. Yeah, I keep it cool how I do. No, I ain't stressing on the whackness. Feeling super good, it's a habit. Oh, I don't focus on the bad shit. And I refuse to do nothing.